Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Marie-Gérin Lajoie, pionnière de l'action sociale au Québec. Marie-Gérin Lajoie, elle est au carrefour de l'effervescence d'une nouvelle pensée au début du siècle, tant au plan féministe, au plan éducatif, qu'au plan de la pensée sociale. La journaliste et femme de lettres Hélène Pelletier-Baillargeon, auteure de la biographie de Marie-Gérin Lajoie, Marie-Gérin Lajoie, de mère en fille, à l'émission Les Belles Heures en 1985, l'année où justement paraît son ouvrage, fille de Marie-Gérin Lajoie, née Lacoste, Marie-Gérin Lajoie fille, va consacrer sa vie entière à travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants issus des milieux défavorisés. Pionnière du travail social au Québec, fondatrice de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, elle crée en 1931 une école d'action sociale axée sur l'action communautaire et la formation sociale et familiale. Comment ces sommités réagissent-ils devant elle, elle qui est femme dans un milieu où, à une époque où c'est pas très courant? Bien, c'est une femme qui a énormément de prestige et je dirais même énormément de charme. Ça, c'est indéniable qu'elle exerçait un énorme ascendant au plan intellectuel. D'abord, elle a été la première bachelière québécoise. Elle est l'objet, donc, d'une grande considération. Elle parle avec autorité. On s'aperçoit que même dans des milieux non réputés pour la particulière ouverture à l'égard de la question féminine, je pense à l'Action française de Lionel Groulx, Marie-Gérin Lajoie est invitée, elle est la seule femme invitée comme auteur à signer des textes. Et comment est-elle reçue? Elle est très, très bien reçue. On voit que Marie-Gérin Lajoie, mère et fille, que ce soit aux Semaines sociales du Canada, que ce soit l'Action française ou dans d'autres publications, sont parfois les seules femmes invitées à donner des communications sur le syndicalisme féminin, sur tout ce mouvement des cercles d'études ouvriers aussi, qui a une extrême importance à ce moment-là. Les cercles ouvriers, les cercles d'études existent dans les CJC pour les hommes, mais c'est Marie-Gérin Lajoie qui fonde le mouvement parallèle du côté des filles. Et ce sont ces cercles d'études qui deviennent des espèces de pépinières d'action sociale dans les milieux populaires. Hélène Pelletier-Baillargeon au micro de Gilles Archambault à l'émission Libre Parcours en 1985 pour nous parler de l'importance qu'a eue l'action de Marie-Gérin Lajoie dans ce Québec de la première moitié du 20e siècle. Je reçois Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, Catherine Foisy, elle appartient, il faut le dire tout de suite, Marie-Gérin Lajoie, puis je l'évoquais au tout début de l'émission, elle appartient à une famille connue, une famille très engagée dans son milieu, où les femmes particulièrement se distinguent par leur engagement. Commençons par là, situez-nous là. Quelle place elle occupe, Marie, dans cette grande famille Gérin Lajoie? Alors, Marie, elle voit le jour à Montréal le 9 juin 1890, donc vous l'avez dit, dans un foyer privilégié. Sa mère, Marie-Gérin Lajoie, née Lacoste, a épousé en 1887 Henri Gérin Lajoie, qui est avocat, qui est le fils du poète Antoine Gérin Lajoie, petit-fils du journaliste Étienne Parent. Sa mère, donc Marie Lacoste, a été formée donc à la réforme, à l'action sociale catholique, notamment par sa mère, Marie-Louise Globenski. Elle a également Marie-Gérin Lajoie, fille donc des tantes, qui sont aussi d'actives réformatrices sociales. Justine Lacoste-Beaubien, qui va fonder aux côtés d'Irma Levasseur l'hôpital Sainte-Justine pour enfants de Montréal. Thaïs Lacoste-Frémont, qui est très engagée dans le combat pour le droit de vote des femmes. Et donc, elle est l'aînée d'une famille de quatre. Elle a trois frères. Et très rapidement, donc, elle va recevoir ce qu'il y a de mieux, notamment une formation des études primaires et secondaires auprès de la Congrégation de Notre-Dame en externat. Et elle va également pouvoir poursuivre ses études. Elle naît donc dans une famille catholique. Ce sont des catholiques convaincus, de tendances, je dirais, à la fois où les tendances libérales et conservatrices se rencontrent, mais très engagés dans la transformation des conditions de vie des populations pauvres, des populations ouvrières à Montréal, dans un contexte d'urbanisation et d'industrialisation importante. Puis vraiment, puis on le comprend avec ce que vous venez de nous dire, mais ça vaut vraiment la peine de le souligner, un engagement féminin. Les femmes de cette famille sont vraiment des dynamiques dynamo très, très fort, des femmes très, très engagées. Vous dites qu'elle a une bonne éducation. Elle va aussi fréquenter l'université, ce qui, à l'époque, n'est pas gagné. Puis ça, ça se comprend parce que c'est, au fond, la digne fille de sa mère pour qui, justement, l'éducation était si importante. Donc, elle aura accès à cette éducation universitaire qui est accessible à très peu de femmes à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, sa mère, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, qui s'est formée elle-même en autodidacte, n'a pas eu accès, donc, à l'enseignement supérieur, avec d'autres femmes, fonde, donc, en 1908, participe plutôt à la fondation de l'École d'enseignement supérieur, qui est finalement le premier collège classique pour filles. Il est placé sous la direction des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Il est affilié à l'Université Laval de Montréal, qui deviendra par après l'Université de Montréal. Et donc, en 1911, elle fréquente cette institution-là et elle devient la première bachelière SR d'origine canadienne-française. Elle se classe première devant tous ses collègues masculins, mais cette information-là n'est pas publiquement divulguée parce qu'on ne peut pas lui accorder supposément la bourse qui vient avec cette première place parce que les femmes ne sont pas admises dans les universités francophones à l'époque. Deux ans plus tard, elle se rend en Europe accompagnée de sa tante Antoinette Gérin-Lajoie, qui est une laïque qui n'est pas mariée, qui n'est pas religieuse. Et donc, elle fait un voyage en Europe. Elle va visiter plusieurs œuvres sociales en France, en Belgique. Elle séjourne en Italie. Elle visite son frère Alexandre qui étudie le droit à Londres. Et elle est très marquée notamment par ce qu'on appelle les settlements, donc des lieux qui sont habités, qui sont animés par de jeunes universitaires, qui sont soucieux d'apporter une éducation, une organisation dans les milieux ouvriers. Et donc, à son retour à Montréal en 1913, elle devient directrice, rédactrice à La Bonne Parole, la revue mensuelle de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste que sa mère a fondée quelques années auparavant. Et donc, à partir de là, elle poursuit toujours sa formation. Elle avait fondé, Hélène Pelletier-Bayergeon le mentionnait, elle avait fondé durant ses études de collège le premier cercle d'études à l'École d'enseignement supérieur, donc des cercles d'études qui permettent, dans le fond, aux jeunes femmes, aux jeunes filles canadiennes-françaises d'avoir accès à des connaissances, de se former, de se préparer également à l'action catholique par l'étude en groupe. Oui. Et donc, elle va poursuivre toujours sa formation de manière plus ou moins autodidacte. Et en 1918, élément important, elle va accompagner son frère Alexandre, qui poursuit ses études aux États-Unis en droit. Et donc, elle va l'accompagner à l'Université Columbia de New York, où elle va suivre un court séjour de formation en service social. Oui. Et puis, au début des années 20, tournant important, elle décide, Marie Gérin-Lajoie, de fonder une communauté religieuse, l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Qu'est-ce qu'elle a en tête quand elle fonde cet institut? Bien, elle a vraiment en tête de créer des conditions pour permettre à des femmes dégagées de toute responsabilité parentale d'œuvrer entièrement à l'action sociale et catholique, d'offrir un soutien aux œuvres laïques également, donc pour viser principalement les femmes, les familles en milieu ouvrier, les enfants également, qui sont confrontés à des difficultés importantes. C'est une action qui est centrée sur une action communautaire, le service social, la formation familiale et sociale également. Il faut le dire, c'est un projet qu'elle a longuement mûri, donc durant 6 ans. Elle commence d'abord en 1917 à faire part officiellement de son projet, notamment à son directeur de conscience à l'époque. Elle est très marquée très tôt dans sa vie, dès l'âge de 12 ans, par la spiritualité ignatienne, donc les jésuites. Donc vont s'écouler 6 ans entre le moment où elle fait officiellement part de son projet d'une congrégation religieuse et le moment où cette congrégation-là reçoit l'aval de Rome, bon, où elle a l'autorisation pour fonder l'Institut. Ça, c'est important parce que ça veut dire que durant toutes ces années-là, ben, elle est à la fois en attente, mais en même temps, elle poursuit son action. Elle ne s'arrête pas. Et je dirais que c'est important aussi, cette dimension-là ignatienne, parce que on dit de cette spiritualité-là que c'est une contemplation dans l'action. Donc, elle a réellement en tête une congrégation de religieuses qui ne vivent pas cloîtrées à l'extérieur du monde, mm-hmm. mais qui, sont de plein pied engagés et compromis dans le monde et avec le monde. Donc ça, c'est très important et ça va lui poser certains problèmes. Puis effectivement, mais insistons d'abord sur ce côté très, j'ai envie de dire, terrain dont vous nous parlez, une action sociale qui s'ancre vraiment dans une grande réalité parce que c'est ça qu'elle veut faire avec et qu'elle va faire avec l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Puis il y a une filiation, elle avait commencé à faire ce travail-là déjà et elle veut le poursuivre avec l'Institut. On a bien compris la philosophie qui l'anime quand elle décide de fonder cette congrégation religieuse. On écoute un extrait qui va nous permettre, puis on poursuivra la discussion ensemble ensuite, Catherine Foisy, mais on écoute un extrait qui va nous permettre de voir très concrètement quel genre de programmes seront offerts par l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. On retrouve à nouveau Sœur Rachel Vinette à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1968. Ici, une vingtaine d'enfants de 5 à 6 ans. Qui, en novembre dernier, n'étaient pas inscrits à l'école, soit à cause de leur âge, du manque de place, dans les maternelles ou pour divers autres motifs. Nous avons proposé aux mamans de faire participer leurs enfants à l'heure des petits. Les réponses furent enthousiastes, nombreuses et stables. On a dit que les gens de milieux modestes sont favorables à l'éducation, mais allergiques à l'école. Notre expérience nous démontre clairement comment, dans un climat de confiance et dans un milieu connu, leur intérêt pour l'éducation augmente et se concrétise. Ces bouts de chou apprennent à entrer en communication avec des adultes, avec d'autres enfants. Et durant ce temps, les mères que nous avons consultées ont désiré pour elles des informations en ce qui regarde les loisirs, l'éducation sexuelle, l'anatomie. Alors, cet extrait qu'on vient d'entendre est assez évocateur de ce que fait concrètement l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Parlez-nous-en du type de programme, du type d'action que met de l'avant l'Institut, Catherine Foisy. Comment décrire ce type d'action de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil? Bien, je dirais que Marie Gérin-Lajoie, elle préconisait une action, on pourrait dire, en trois temps. D'abord, elle voulait pouvoir intervenir sur des lois pour amender des législations qui étaient responsables des inégalités qui causaient les difficultés auxquelles étaient confrontées les femmes et les familles ouvrières, notamment. Ensuite, elle voulait permettre aux gens aussi, à travers l'éducation, de s'organiser, de développer une solidarité, de l'entraide, que ce soit par des coopératives, par des associations professionnelles ou autres. Et puis, évidemment, ben, il fallait aussi soulager les difficultés, la misère sociale par des organisations, disons, qu'on pourrait qualifier de caritatives. Ensuite, de manière plus concrète, ben, on a toutes sortes de besoins auxquels on doit répondre. Le besoin des enfants durant les vacances scolaires, donc des colonies de vacances, mettre en place des maternelles pour permettre l'éducation des enfants de milieux défavorisés. Des cercles d'études, des visites aux familles, des garderies, la formation ménagère également. Et il faut le dire, toutes les formations à destination des femmes, que ce soit pour des intervenantes laïques ou pour des mères, était toujours doublé de formations, d'éléments d'histoire, de sociologie. Donc, on ne formait pas les femmes uniquement que dans des perspectives domestique. Et donc, c'est une communauté religieuse qui est vouée à l'action sociale, qui est comprise comme une transformation de l'organisation sociale. C'est par l'éducation, l'implication d'agents de transformation sociale qu'on va restaurer, transformer les conditions de vie dans lesquelles les populations ouvrières, les populations pauvres vivent. Ouais. La formation, c'est vraiment le maître mot, on le comprend bien en vous écoutant, de l'action de l'Institut. En 1931, c'est important, ça fait vraiment partie de son legs, des choses très, très importantes qu'elle nous lègue, Marie Gérin-Lajoie. Elle fonde une école d'action sociale. Il y en aura une deuxième qui sera créée plus tard, les instituts familiaux. Ça nous montre encore une fois l'importance qu'a pour elle la dimension éducative. C'est déterminant. Et puis là, on voit très bien l'influence qu'a eue sa mère sur son parcours, sur sa vision de l'action sociale, de la transformation sociale. Et donc, elle ouvre cette école d'action sociale en 1931 pour offrir une formation aux intervenantes laïques. C'est une école où on enseigne aussi des notions de sociologie, d'économie sociale, de politique. Et on utilise l'étude de cas comme approche privilégiée pour intervenir auprès des familles. Donc, c'est pas des grands principes qui sont éthérés, qui sont détachés du réel. Non, au contraire, on applique des thèses, des théories à des cas spécifiques, particuliers, des problèmes sociaux particuliers. Ouais. Et donc, elle crée quelques années plus tard, où elle contribue à la fondation de l'École de service social qui sera intégrée dès l'année suivante, en 1940, à l'Université de Montréal. Et c'est une initiative qui pave la voie à la professionnalisation du service social au Québec. Ouais. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais un petit mot quand même sur la vie spirituelle au sein de la communauté religieuse qu'est l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Comment ça se conjugue, cet engagement social de l'Institut avec cette dimension spirituelle, justement? Bien, je dirais que, je l'ai dit, la spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité qui vise à entrer dans une mystique de la contemplation, la présence de Dieu, mais dans l'action concrète au quotidien. Et c'est aussi une spiritualité qui donne des outils de discernement pour être en mesure de déterminer les actions à poser qui soient les plus ajustées aux réalités auxquelles on est confronté. Donc, qui tient compte de ce que, quelques années plus tard, dans les années 60, l'Église catholique va appeler les signes des temps. Donc, qu'est-ce qui est en mouvement dans la société dans laquelle on évolue? Alors, c'est une spiritualité qui va très, très bien s'ajuster, qui va permettre aux religieuses de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de très bien s'ajuster aux transformations de la société québécoise, mais aussi aux transformations internes de l'Église. Marie-Jeanne Lajoie, dans une conférence, indiquait la chose suivante au sujet de Saint-Ignace. Elle disait que Saint-Ignace a innové certaines formes de vie religieuse qui se rapproche de cet idéal de vivre absolument disponible pour répondre à des besoins qu'on ne soupçonnait peut-être pas, pour répondre à toutes sortes de besoins selon les localités, selon les milieux. Et je dirais que notre communauté s'est inspirée de cette spiritualité-là. Bon, c'est déjà le moment de s'attaquer au legs, à l'héritage de Marie-Gérin Lajoie. Comment décrire ce qu'elle nous laisse justement comme héritage? Bien, je dirais, pour moi, il y a trois héritages majeurs. Une religieuse de cette congrégation-là parlait même d'un matrimoine et non pas d'un patrimoine, donc le matrimoine immatériel de Marie-Jean Lajoie. Premièrement, le développement du service social, du travail social au Québec, sa professionnalisation. Deuxièmement, cette congrégation-là religieuse qui est résolument engagée dans le prolongement de son action sociale et de son action communautaire. Et un troisième héritage, son travail de militante pour la reconnaissance des droits des femmes, pour l'amélioration des conditions de vie, pour le développement de différents types de services. Oui. Et les femmes qui se sont inscrites à la suite de Marie-Gérin Lajoie au Bon Conseil sont clairement dans cette lignée-là. Je pense par exemple à sœur Esther Champagne, qui est une sœur du Bon Conseil, qui est intervenue par rapport à la question à un moment donné au début des années 2000, le surroi avec Hydro-Québec, donc pour des questions de justice environnementale. Alors ce sont des femmes qui sont demeurées, qui sont encore compromises avec le monde d'aujourd'hui. Oui. Et sur son engagement pour ce qui est de la cause féministe, de la question des femmes en particulier, je vous propose d'écouter à nouveau Hélène Pelletier-Baillargeon au micro de Marie-Claude Trépanier à l'émission Les Belles Heures en 1985, un extrait qui devrait vous plaire et qui est inspirant. Écoutez bien, Catherine Foisy. Pour d'autres raisons, aujourd'hui, on a un peu de difficulté à comprendre tout l'engagement de Marie-Gérin Lajoie, puisque lier vie religieuse, féminisme et engagement social, ça paraît pas évident, même aujourd'hui en 85. Oui, mais ce qui a contribué à décloisonner cette vision-là, je crois, c'est les travaux récents qui ont été entrepris par les historiennes du Québec, des femmes comme Martha Danilevics, Jennifer Stoddart, Michelle Jean, Micheline Dumont-Johnson, toutes ces historiennes ont bien mis en relief qu'au fond, il y a toujours existé une connivence secrète entre les grandes religieuses, les grandes communautés religieuses et les aspirations des femmes à une meilleure éducation, à de meilleurs services sociaux. Et à l'intérieur de l'Église, même si le langage officiel gommait ces conflits, on sent très bien que ces maîtresses femmes qui dirigeaient des grandes congrégations, qui étaient directrices d'hôpitaux, qui étaient directrices de grandes écoles et de grandes maisons, étaient des chefs d'entreprise, étaient des femmes qui exerçaient un pouvoir réel et dans l'Église et dans la société. Donc, elles ne pouvaient pas ne pas comprendre les aspirations des femmes laïques à une réforme du droit et à l'accès aux études universitaires. Elles le souhaitaient pour elles-mêmes et elles ont, en sous-main, beaucoup aidé les laïcs à y parvenir. Oui. Donc, religieuse et féministe, une équation qui peut, en apparence, du moins, paraître improbable, elle a réellement existé, cette équation-là, Catherine Foisy, et Marie-Gérin Lajoie peut être considérée comme une pionnière du combat du droit des femmes au Québec. Quelle forme va prendre son engagement féministe? Bien, c'est certain qu'on peut lui opposer, évidemment, un féminisme libéral qui prônait le droit au divorce, la limitation des naissances, l'organisation plus individualiste de la vie, mais donc un féminisme chrétien, catholique, qui veut obtenir pour la femme des droits, notamment le droit de vote, pour lui permettre d'accomplir pleinement ses devoirs, parce que Marie-Gérin Lajoie considérait quand même que la femme était en possession de manières différentes d'interagir dans le monde. Donc, toute cette dimension maternelle, entre autres, toute la question, en fait, c'est une vision maternaliste. Pour elle, les femmes, peuvent renoncer à la maternité physique, mais elles demeurent quand même des mères sur un plan spirituel. Mmh. Donc, c'est aussi parce qu'elles sont différentes des hommes qu'elles ont une contribution et qu'elles doivent être pleinement reconnues dans leurs droits pour agir dans la société. Et donc, ça va prendre plein de différentes formes, beaucoup au niveau de l'éducation des femmes. C'est beaucoup à ce niveau-là, permettre aux femmes d'avoir accès au travail, à des professions. Elle va travailler dans ce sens-là aussi, non seulement pour permettre à des femmes de familles défavorisées de gagner la vie, mais aussi à d'autres femmes d'avoir accès à des métiers, des mmh. professions également. Donc ça, c'est clair que l'équation féminisme-catholicisme, vie religieuse, ça fonctionne tout à fait bien. Ça va, essaimer dans la période d'après le Concile Vatican II, dans le contexte de la vie de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Ça, c'est évident. Oui. On termine là-dessus, justement. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, cet Institut Notre-Dame du Bon Conseil? Alors, c'est un institut qui continue à entretenir différents types d'engagement, ici même à Montréal, ailleurs au Québec, à Alma, à Granby, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Valleyfield. Également, les religieuses du Bon Conseil sont présentes en Haïti depuis 1988. Elles ont également eu une mission durant 50 ans à Cuba et elles sont engagées dans toutes sortes de projets qui vont de la sécurité alimentaire à l'éducation populaire en passant par toute forme d'organisation socio-communautaire qui vise notamment particulièrement les femmes monoparentales, les familles à faible revenu, les femmes seules et également des femmes qui sont en transition, parfois dans des contextes qui ont fui des contextes de violence conjugale ou qui sortent de prison. Oui. Des personnes immigrantes aussi. Les Sœurs du Bon Conseil ont eu une action auprès des immigrants très tôt dans leur parcours, donc dès la fin des années 30. Alors ça, c'était au cœur de la vie de l'Institut. Catherine Foisy, professeure au département de sciences et religions de l'Université du Québec à Montréal, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.